Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué, oh Alpha, mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges, Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas, Alpha Omega, Alpha Omega. Le sein de ma mère, Alpha. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté, Alpha. L'auteur de l'histoire de nos vies. Comment commencer une histoire jamais imaginée? Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas, Alpha Omega, Alpha. Car aucun homme n'a le chrono qui décide la fin de mon parcours. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, j'attendrai Omega. Je courrai jusqu'au bout mon parcours, jusqu'à la ligne où m'attend Omega. À mon dernier lieu, qui me défend, Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas, Alpha Omega, alpha.